Yeah. Tum tum tum tum tum tum tum. Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah Ça va, je suis pas dessus full on. Bon, on serait prêt à continuer. On va faire de l'ordinateur. Je suis en train d'encore enregistrer. Ça va être là, c'est le logiciel d'audition. Pendant, on va refaire le moment où est-ce que tu parles du texte. J'ai le texte avec moi pour qu'on colle maintenant au nouveau texte. Ça va être le moment où quand on l'a fait tantôt. Tu parles de mais on dirait qu'en vieillissant, ça a plus d'importance, je m'en fous. Ouais. Pour qu'on aille coller au moment où tu dis ça. C'est mon goal. devenir un vieillissant. Là, on avait. On va remplacer ça, on va refilmer ça. Mais avec la vraie, avec ce qu'on va dire pour vrai. On voit juste l'écran? Mais... On voit juste l'écran. On voit juste dans le fond le waveform. Okay. Fait qu'on va. Je suis tout en train de préparer ça. Puis, fait que c'est de noir. C'est, on peut même. Mettre ça à la table, là, effectivement. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour si vous. Puis après, ça va être de partager l'affaire sur archive.org. C'est ce que je m'ai fait. Là, je vais... On va le faire ensemble. C'est ton téléphone, Guillaume? Ouais. C'est ça, toi, t'as... Ah non? Non, j'espère. Je me disais, j'allais pouvoir partir juste l'enregistrement direct. Ah, ben oui, non, mais moi, je l'enregistre depuis tantôt, c'est juste vraiment la... Je pense qu'on va mettre l'objectif. Le close-up, là? Ouais. C'est ça, c'est à cause que j'ai changé mon heure et que je suis en 2019 que j'ai plus l'internet. Ben ouais. C'est ça qui était avec l'iPhone. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est avec celle-là. Ouais. Est-ce que... Moi je l'ai mis. C'est sûr que c'est ça, tiens pas. C'est sûr que c'est ça. Est-ce que... Simple de même. C'est bien bizarre. C'est fucking weird. C'est un lab, hein? C'est drôle quand même. C'est drôle dans le mauvais sens. As-tu mis un rond jazz, toi? Quand on a changé la date et l'heure qui ne connecte plus, puis on s'en est rendu compte quand le téléphone à Guillaume a fait la même chose. Ben, parfait. assez drôle. Tu vois-tu la ligne qui... On va y aller, on va... C'est tout sur la ligne, moi. Ouais. Ouais. Puis tu vois la place à Crispo. Le Windows, c'est à jambe. Le quoi? Le laptop. Ouais. Le Windows. Parle comme un boomer. Le Windows, là. C'est à jambe, ça. Ok. Fait que, on y va? Ouais. Fait que je vais accepter. Ça roule. Je sais. Mais on dirait qu'en vieillissant, ça a plus d'importance, je m'en fous. Je voudrais juste sortir de cette affaire-là. Tu sais, Jim Carrey, à la fin, il sort de son émission de télé. Littéralement, il trouve la porte. Puis il s'en va. Moi, je sais pas comment. Puis tu sais, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je me sens pogné avec vous dans la pire simulation possible. Incapable de me réveiller. Je suis tout seul à vivre ça? N'hésitez pas à laisser des messages si vous vous sentez dans une situation similaire. N'hésitez pas, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Yeah. Et coupé. Tuerie. Ok. Mais on dirait qu'en vieillissant, ça a plus d'importance. Je m'en fous. Je dois juste me sortir de cette affaire-là. Tu sais, Jim Carrey, à la fin, il sort de son émission de télé. Littéralement, il trouve la porte, puis il s'en va. Et moi, je sais pas comment, puis tu sais, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je me sens pogné avec vous dans la pire simulation possible. Incapable de me réveiller. Je suis tout seul à vivre ça? Sir. C'était plus saturé. Oui. Pardon. Donc, couches-tu, genre. Je suis semaine dessus. Ah, là, ouais, bon. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es tant intelligent? Et ouais. Mon premier shoot, hein, c'est bien. Oh. T'es carré, hein? Wow! Ah, là, on a quelque chose. Bouge pas. Ah, ouais. Pourquoi tu veux pas? Il n'y arrête pas. Non.